Alors ben merci pour commencer à Emmanuel et Véronique de m'avoir associé à cette journée puis à ce programme de recherche. Alors je voudrais dire que j'ai fait une toute petite modification sur mon titre. Alors évidemment ça vous a peut-être échappé, mais bon voilà, j'ai changé le mot musée par le mot monument. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors je vais parler depuis ma situation, hein. Donc moi je suis un anthropologue. Qui travaille entre autres choses avec des archives. Alors on dit trop souvent qu'au contraire des historiens, les ethnologues rencontrent leurs archives encore en vie, hein, qu'ils peuvent leur poser des questions et confronter les points de vue, car ils travaillent sur le contemporain ou le passé proche, et puis avec des personnes vivantes. Les ethnologues ont la réputation en fait de ne pas être de très grands dévoreurs d'archives. Mais en fait cette vision, elle est à la fois juste et fausse. Car nous sommes bien souvent impliqués avec des personnes dans le présent des objets que nous observons et que nous essayons de comprendre, hein. Par exemple un rituel religieux, pour essayer de le comprendre, ben on y participe, on est avec les gens qui le font. Mais nous avons aussi une tendance disciplinaire à nous occuper de ce qui est en train de se passer, d'en discuter avec les acteurs engagés dans le processus que nous analysons. Cependant, d'abord, les historiens du temps présent ou ceux qui pratiquent ce qu'on appelle l'histoire orale comme les ethnologues rencontrent également des personnes vivantes, hein, dont ils transforment le témoignage en corpus d'archives. Et ensuite, cela fait longtemps que les ethnologues parcourent et mobilisent des archives dans leurs pratiques de recherche, notamment dans les chantiers de l'anthropologie des missions en terrains extra-occidentaux, mais pas seulement, puisque les spécialistes de littérature orale ou les ethnologues qui travaillent sur les sociétés où l'écrit existe, hein, en Asie, en Europe ou dans le monde arabe ou américain, sont toujours confrontés aux archives du passé. Les archives sont donc des objets partagés entre plusieurs disciplines, et c'est comme ça un petit peu que j'interprète ma présence dans le programme. Alors, les archives en bibliothèque dont je vais vous parler s'inscrivent dans une recherche assez récente que j'ai commencé à travailler sur ce dossier en fait il y a moins de 2 ans, et puis comme je fais pas que ça, on ne peut pas dire que ça fait 2 ans que je travaille dessus, hein, ça fait peut-être trois, en gros, deux tiers de ces 2 ans. Et j'avais pas encore présenté de communication sur ce sujet, donc c'est la première fois que j'en parle. Alors évidemment, je suis un peu embêté parce que je vais pas vous présenter quelque chose de tout à fait abouti, puis c'est plein de questions. J'ai pas fait du tout le tour de mon objet ni de ses archives, mais bon, ça m'a donné l'occasion de formaliser, et puis de vous entendre, ça m'a permis aussi de recontextualiser un peu mon propre travail. Alors je vais vous parler d'archives qui concernent une synagogue médiévale, qui est située dans une petite ville de 10 000 habitants au Portugal, dans le centre du Portugal. Alors voilà l'intérieur de la synagogue, telle qu'on peut la voir aujourd'hui. La ville de Tomar. Ah pardon, je croyais que j'avais mis une vue de la ville, mais bon, tant pis, bon, c'est pas grave. La ville est connue pour abriter un monument historique très très important. C'est l'ancien couvent du siège de l'ordre qui a remplacé les Templiers quand ils ont été interdits par le pape. Et c'est un ordre qui a repris tous les biens et toutes les personnes des Templiers au Portugal, qui s'appelle l'Ordre du Christ. Cet ordre et son patrimoine historique tiennent une place centrale dans le récit national du Portugal, puisque pendant la dictature, entre les années 20 et les années 1900 et l'année 74, on a tenu l'ordre du Christ pour le grand financeur des expéditions de la découverte du Nouveau Monde et des routes asiatiques. Le pouvoir autoritaire faisait en fait du couvent de Tomar, qui était on dit couvent, parce qu'en portugais on dit convento, que je traduis par couvent, mais en fait il faudrait dire monastère, ou enfin bon, je traduis par convention par couvent, mais le pouvoir autoritaire, donc dictatorial du XXe siècle, a fait du couvent de Tomar un des grands lieux d'origine de l'identité du pays, hein, dans le récit national. Le couvent a été classé monument national dès la promulgation de la loi en 1910, et c'est aujourd'hui un édifice qui est visité par 200 000 personnes par an. Et c'est également un haut lieu, je dois le dire, de pratiques ésotériques templières, bien qu'en fait le bâtiment n'ait strictement rien à voir avec les Templiers, a été totalement construit après les Templiers. Tomar est également connu pour sa synagogue médiévale, qui est le seul édifice de culte juif reconnu au Portugal comme monument national, en tant que témoin de cette communauté religieuse avant l'expulsion hors du pays en 1497, 5 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il s'agit donc de l'unique synagogue médiévale qui aurait survécu à l'effacement systématique de la religion juive et des juifs dans le pays par l'Inquisition, qui a traqué les membres de cette religion jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc la synagogue de Tomar, c'est un lieu doublement singulier, hein, d'abord parce qu'elle est située dans l'ombre d'un grand monument porteur d'un récit national, on va dire, positif, hein, qui est vraiment valorisé, le couvent du Christ, et puis le grand récit des découvertes du Nouveau Monde, et puis elle témoigne en négatif, d'une part du récit national, la fin des Juifs portugais, qui n'est jamais mis en avant, de manière positive et explicite dans le récit national, mais qui a été le plus souvent euphémisé par les pouvoirs publics. Alors ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors l'histoire de la synagogue est peu connue, hein. On n'a aucune trace d'archives qui indiquerait qu'une synagogue ait jamais existé dans la ville. On sait simplement qu'il y avait une centaine de familles juives qui vivaient dans le quartier qui leur était réservé et qu'il y existait une vie religieuse. Mais il n'y a pas de trace positive de l'existence d'une synagogue dans les archives. On sait qu'après l'expulsion, les cadastres mentionnent successivement une chapelle, une prison et des hangars dans la rue qui était réservée aux juifs. Et les historiens ont associé ces bâtiments avec celui qu'on appelle aujourd'hui la synagogue. Dans les années 20, un archéologue érudit qui était militaire, Garcés Teixeira, fait une communication à l'Association des archéologues portugais et prétend avoir identifié la synagogue de Tomar. Il publie alors son étude, qui s'appuie essentiellement sur des données architecturales, qu'il compare avec des données espagnoles, et la synagogue est classée, quelques mois après, comme monument national en 1921, alors que le couvent du Christ, je vous l'ai dit, il a été classé en 1910. Alors dans ces années 20, au même moment, Samuel Schwartz, qui est un ingénieur des mines polonais, qui fait de la prospection au Portugal pour une entreprise polonaise, et qui est le fils d'un des grands rabbins de Pologne, rencontre les Maranes, donc les crypto-juifs, qui sont des descendants des juifs convertis de force à la fin du Moyen-Âge, et qui seraient restés sur place au Portugal. Ils ont pratiqué en secret la religion juive pendant 5 siècles. Schwartz se passionne pour les crypto-juifs, il fait des enquêtes orales sur les rituels, il publie une monographie sur les crypto-juifs, il constitue une bibliothèque, il publie des études sur l'épigraphie portugaise en hébreu, et puis surtout, il achète la synagogue de Tomar, avec le projet d'y établir le musée national de l'histoire des juifs du Portugal. Il essaie ensuite de vendre le bâtiment et le projet de musée à l'État, qui vient juste de passer sous le régime autoritaire de Salazar, hein. Mais ses démarches échouent assez lamentablement. Il en fait finalement don dans les années 1930 à l'État et il acquiert en échange la nationalité portugaise. On nomme à ce moment-là un directeur du musée qui va mener des travaux de restauration du bâtiment, il va construire un projet muséographique, il va écrire lui-même le décret de fondation du musée national des Juifs du Portugal. Mais sans moyens financiers, le musée ne verra jamais le jour et la synagogue va rester fermée jusqu'aux années 70. À ce moment-là, dans les années 70, apparaît dans l'histoire de la synagogue un certain Manuel de Oliveira, alors qui n'est pas du tout le célèbre cinéaste portugais, mais c'est son homonyme. Alors, c'est a priori, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre localement, c'était un homme âgé qui était sans ressources. Il a été logé par la mairie, dans un petit appartement qui jouxtait la synagogue, et en échange, il faisait visiter le lieu aux touristes. Et puis les visites s'arrêtent, sans doute à cause de la mort de ce Manuel de Oliveira, dont je n'ai pas pu encore vérifier les dates de vie et de mort, donc je ne sais pas encore pourquoi ça s'arrête, et je ne sais pas exactement quand. Mais au début des années 1980, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur la place, c'est le couple de Luís et Teresa Vasco, qui habitent dans la rue de la synagogue, qui reprend le flambeau, et arrive petit à petit à se faire embaucher par la mairie pour assurer les visites et l'entretien de la synagogue. Dans les années 80 et 90, des fouilles archéologiques prouvent finalement qu'il s'agit bien de la synagogue, puisqu'on trouve en fait les traces du bain rituel des femmes, le mikvé. Le couple Vashku attire de plus en plus de visiteurs, dont une bonne partie d'Israéliens qui viennent revisiter les traces de leurs ancêtres séfarades. Et ils constituent petit à petit une collection d'objets religieux grâce aux dons que leur font les visiteurs. Le couple collectionne également des livres et des revues sur les juifs du Portugal. Ils conservent soigneusement les lettres que leurs visiteurs envoient après leur visite, souvent accompagné de photos prises dans la synagogue avec le couple. C'est notamment une de ces photos que je vous montre. Dernière étape importante en date, hein, la mairie qui a hérité de la synagogue entre-temps souhaite revaloriser, entre guillemets, le lieu et a fait enlever tous les objets offerts à la synagogue par les visiteurs et fait transférer la bibliothèque et les archives du couple à la bibliothèque de l'IUT de Tomar. Alors, je vais utiliser IUT, c'est la transcription française, hein, mais au Portugal, on parle de polytechnique ou de polytechnique. Mais si je dis polytechnique en français, on va croire que c'est la grande école, mais c'est juste un IUT local. La municipalité impose alors une muséographie moderne, alors que le couple est toujours là à faire visiter et à récolter de nouveaux objets. Aujourd'hui, en ce début de mois de juillet, la synagogue est fermée pour cause de restauration et de nouvelles muséographies, hein, une nouvelle couche. Louis Vachkou est décédé, donc l'époux de ce couple-là. Ses archives sont donc à l'IUT. Et Teresa Vachkou, la dame, se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir ouvrir de nouveau les portes de la synagogue et recevoir les 50 000 touristes annuels qu'elle reçoit en général tous les ans. Alors, je vous ai fait un rapide aperçu de la synagogue, hein, mais avec quelle source on peut faire l'histoire culturelle de ce lieu ? En vous écoutant, je me suis dit qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai changé mon intitulé, j'avais mis au début musée, parce que c'était un musée qui a jamais vu le jour, hein, le musée a jamais vu le jour, mais le monument est toujours là. Et donc, je vais essayer de fouiller ce que je pourrais appeler comme les extensions archivistiques et éditoriales d'un monument ou d'un musée, hein, ou comment est-ce que les archives et les bibliothèques travaillent sur le monument ou le musée, avec une superposition des registres patrimoniaux qui se divisent administrativement d'une certaine manière, hein, entre les archives, les bibliothèques, les monuments. Mais en fait, c'est une superposition qui peut être très fluctuante et qui peut différer selon les contextes et qui forme cependant tous ensemble, hein, les manifestations multiples d'un objet patrimonial en particulier. Donc nous ne sommes pas dans une vision, on va dire, sectorielle du patrimoine, mais bien plutôt dans une perspective multiple, hein, qui est historique ou anthropologique. Alors vous verrez d'ailleurs par l'énoncé des institutions qui ont un lien avec la synagogue, qu'étudier la synagogue de Tomar, c'est également faire l'histoire culturelle de la culture et des sciences humaines au Portugal, mais évidemment c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors, pour faire cette histoire culturelle de la synagogue, il y a les archives de l'association des archéologues portugais qui sont aujourd'hui en ligne, hein, c'est essentiellement des registres de délibération des assemblées. Il y a les archives de la municipalité de Tomar, où il y a notamment les délibérations du conseil municipal, les délibérations de la commission de tourisme et de patrimoine, qui était indépendante de la municipalité. Puis il y a des journaux locaux. Il y a les archives du directeur du musée inachevé dont je vous ai parlé, hein, qui sont conservées par la municipalité et que, a priori, personne n'avait demandé à voir avant moi. Donc, a priori, je suis le premier à aller voir ces archives-là. Elles ne sont même pas cotées, elles ne sont pas triées. Enfin, c'est vraiment, ils les ont trouvées quand je suis allé les voir. Et puis, il y a les archives du secrétariat d'État à la culture et notamment le dossier de classement de la synagogue au titre de monument national en 1920. Et puis, il y a le fonds assez disparate de Luís et Teresa Vachkou qui a été transféré donc à la bibliothèque de l'IUT et dont je vais parler plus en détail. Alors j'ai pu discuter avec Teresa Vachkou, avec la directrice du service culture et tourisme de la municipalité, avec la directrice de la bibliothèque de l'IUT et avec les employés qui sont chargés du patrimoine à la municipalité, donc ceux qui font visiter les lieux, hein, donc de cet arrangement qui a conduit à choisir une bibliothèque universitaire comme lieu de conservation des archives et du fonds Vachkou. On aurait pu imaginer un transfert vers les archives nationales, vers les archives municipales ou vers la bibliothèque municipale. Mais en fait, la bibliothèque universitaire a été choisie parce que les archéologues qui ont fouillé la synagogue dans les années 80 et 90 appartenaient eux-mêmes à l'IUT. Ils étaient profs à l'IUT. Ils enseignaient là. Et donc, c'est l'IUT qui a conduit les fouilles au nom du ministère de la Culture. Par ailleurs, le fonds Vachkou était constitué de trois types d'objets. D'abord, il y avait les objets religieux que les visiteurs avaient donnés à la synagogue et à Tomar, qui sont aujourd'hui conservés dans des cartons. Il y a un inventaire, mais il n'y a aucun accès possible. Ensuite, il y a des livres qui ont été collectés et achetés, reçus en cadeau par le couple Vachkou, et qui concernent essentiellement le crypto-judaïsme, l'architecture religieuse juive en Europe et dans le monde, l'histoire des juifs en Espagne et au Portugal, la liturgie juive et la littérature sur l'Holocauste. Et enfin, il y a un ensemble de courriers De photographies, de télégrammes reçus par Manuel de Oliveira et puis par le couple Vachkou au cours des presque 40 dernières années et qui témoignent des pratiques de visite, des échanges entre les gardiens et les visiteurs, des dons d'objets et de livres et de la mise en mémoire de la visite par le biais de photographies et de récits de visite après coup. Alors les objets, je vous l'ai dit, sont conservés dans les réserves de la bibliothèque, ils ne sont pas accessibles, et puis de toute façon, personne à Tomar ne prête une attention démesurée à cette collection d'objets, parce qu'elle est considérée comme tout à fait inauthentique et n'ayant aucun lien consubstantiel avec la synagogue. Alors ça, c'est le point de vue des acteurs locaux, c'est pas le mien. Les livres sont exposés donc dans les rayonnages de la bibliothèque, mais dans un espace réservé, qui est fermé par des cordons, et il faut demander l'accès à l'espace, à la banque de prêt, pour s'y rendre. Et les archives sont rangées dans des classeurs à levier, avec des pochettes de plastique, dans les réserves, et il faut produire une lettre officielle avec en tête de son institution pour que la directrice vous donne le droit de consultation de ce qui, en fait, devrait être considéré comme des archives privées. Mais il n'y a aucun contrat, et donc ça se fait un peu comme ça, comme au petit bonheur la chance. Alors je ne vais pas parler des livres et des objets, je voudrais simplement m'attarder sur les courriers et les photographies. Je l'ai dit, ces correspondances sont conservées dans deux gros classeurs à levier. Chaque élément est inséré dans une pochette plastique indépendante qui contient généralement l'enveloppe, la lettre et la photographie. Il y a également une série de cartes postales qu'on voit ici, hein, sans enveloppe, et puis une série de photographies volantes dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. Alors ce qui est étonnant, c'est d'abord le fait que le couple Vachkou a eu un réflexe de conservation et d'archivistique et a permis de constituer une archive assez exceptionnelle sur la vie sociale de la synagogue, qui n'a rien à voir avec les documents administratifs qui concernent la gestion proprement patrimoniale de la synagogue. Et par ailleurs, l'existence de ces correspondances dans un fonds d'archives nous donne accès à des traces des pratiques des visites de la synagogue, nous permet de reconstituer partiellement une cartographie des pays d'origine des visiteurs, elle nous permet également de décrire les sentiments, les émotions, les effets que la visite produit sur les visiteurs. Hein. Alors tout ça, c'est évidemment des chantiers que je fais que débuter et qui seront les axes de mon futur travail. Hein. Mais en tout cas, ces correspondances constituent une source assez originale pour faire l'histoire culturelle de la synagogue de Tomar. Mais, il y a un mais, les archives du couple Vachkou ont été traitées par des bibliothécaires professionnels et pas par des archivistes. Et c'est là que la qualité du corpus atteint ses limites. D'abord, on ne sait pas si les archives sont complètes. Il n'y a eu aucun inventaire lors de la donation, et il est tout à fait envisageable que le couple Vachkou ait conservé d'autres documents chez eux. Hein. Ensuite, les archives du couple ne sont pas arrêtées, car les visites ont continué après la donation de Louis chez Teresa Vachkou, et Teresa, avec qui je travaille souvent, continue de recevoir des courriers, des photos, des objets de la part de ses visiteurs, et il n'y a pas de dispositif prévu pour transférer ce qu'elle reçoit aujourd'hui pour continuer à alimenter le corpus qui est déposé aujourd'hui à la bibliothèque. Enfin, et c'est peut-être un des points qui nous intéresse le plus dans le cadre du projet, le traitement documentaire des archives Vachkou est un exemple caractéristique de conflit de pratiques de conservation entre trois types d'acteurs de la conservation. Le couple Vachkou lui-même, les bibliothécaires et puis les archivistes. Donc, il n'y a aucun inventaire précis du fond. Hein. Les documents sont disposés à la suite les uns des autres, avec un numéro, cependant, qui correspond à aucun inventaire, hein, parce qu'on m'a dit qu'il n'existait pas, mais tout est numéroté. Mais évidemment, tout a été déconnecté du lieu et du format de leur archivage d'origine chez les Vachkou. Donc on n'est pas du tout avec des archives qui sont dans leur jus, comme on dit. Hein. Alors par exemple, la plupart des photographies possèdent sur le verso des traces de pastilles autocollantes, qui sont les traces, selon les dires de la bibliothécaire, de leur ancien support quand ils ont été récupérés chez les Vachkou. Les photos étaient réunies dans un album, elles étaient toutes collées par des pastilles double face, qu'on voit ici et ici. Hein. Et ce mode d'archivage, son sens, son organisation, sa narration, telle qu'il a été pensé et performé par le couple Vachkou, ont donc totalement disparu. Mais quand on connaît la littérature sur les papiers de famille et leur stratégie de conservation, par exemple les travaux de Valérie Féché sur les familles de Barcelonnette, quand on connaît les textes sur l'écriture ordinaire dans les enquêtes collectives dirigées par Daniel Fabre, ou quand on connaît les pratiques d'écriture et d'archivage des chercheurs de Jean-François Baird, c'est toute une littérature qui observe et décrit des pratiques non professionnelles de l'archive, hein, Eh bien, quand on connaît tout ça, je ne peux que constater que les bibliothécaires ont suivi une méthode d'archivage qui a effacé en grande partie les techniques et les façons d'archiver du couple vache. Alors, évidemment, si je vous dis ça, c'est que j'aurais bien aimé avoir accès à leurs pratiques d'archivage, hein, pour saisir comment le couple se saisit archivistiquement de ces correspondances, qui ne contiennent pas seulement la trace des multiples passages de personnes dans leur synagogue, hein, mais également, comme je vous ai dit, des émotions individuelles et des rapports au passé douloureux du juif séfarade. C'est pas du tout rare que des gens qui viennent visiter la synagogue pleurent littéralement et sont saisis d'une très très forte émotion en visitant la synagogue. Et ça se ressent directement dans les correspondances qu'on reçoit après. Mais on pourrait aller un peu plus loin, et c'est encore un de mes chantiers, hein, c'est l'analyse de ces correspondances et de leur mode d'archivage, d'exposition et de démonstration. L'album des photographies, par exemple, ou les panneaux fabriqués et qui étaient montrés dans la synagogue avant la première rénovation. Donc, tout ça relève d'un problème et d'une question qui m'intéresse aujourd'hui. C'est par quels moyens narratifs se mettent en place pour performer et diffuser avec les archives des rhétoriques de reconnaissance du rôle du couple en tant que sauveur providentiel de la synagogue, ou alors, autrement dit, de passeur d'une mémoire collective discrète et non reconnue par l'État portugais. Donc là, je vous en donne un exemple. Ici, c'est un courrier d'un Américain, d'un Californien, qui est venu visiter et qui reconnaît l'importance du rôle du couple. Évidemment, Teresa Vachko, aujourd'hui, elle est encore gardienne de la synagogue, et je peux aller l'interroger et voir avec elle comment elle traite ses propres archives. Et pour revenir sur mon propos liminaire sur les archives comme objet partagé entre historiens et ethnologues, j'ai là une source à laquelle des historiens n'ont sans doute pas accès, et j'ai encore ainsi un peu de pain sur la planche avec Thérèse. Mais enfin, malgré le regret que je peux sentir de ne pas pouvoir travailler sur l'auto-archivage des Vachko, je suis tout à fait conscient de l'impossibilité d'une analyse exhaustive de nos objets de recherche. Mais le fait que le fonds existe, et le fait qu'il nous permette cependant de dire quelque chose de l'histoire culturelle de la synagogue, c'est déjà une piste de travail. Sans compter que l'existence de ce fonds nous donne également accès aux différences entre la conservation ordinaire, par les gens, et puis la gestion institutionnelle des archives. Il contribue ainsi à nourrir le débat sur un thème que nous partageons dans le cadre du programme, c'est l'existence d'un feuilletage et de superposition complexe des savoirs, des savoir-faire et des représentations de l'archive et de sa consultation, selon sa localisation et son lieu de conservation. Voilà, merci beaucoup. Merci.